29 janvier. Exclu dans Planète Rap. Grande dédicace à monsieur cher Tidiane Fall. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. 28 novembre 85, t'étais si petit, si fragile. On a inversé les rôles, maintenant c'est toi qui t'occupes de moi. C'est moi qui te fatigue. Tu finissais jamais ton assiette. Te faire manger était un casse-tête. Et t'étais maigre comme un clou, mais à l'école ça t'empêchait pas de faire le clown. Ta première paire de baskets, je t'ai appris à faire tes lacets. Quand je te vois, j'ai l'impression d'être un ancêtre. J'ai pas vu les années passer, faut que je l'accepte. Tu n'étais qu'un môme, j'ai tourné la tête un moment. Et tu es devenu un homme, c'est un honneur. Je savais que le temps me ferait souffrir. Effectivement, je ne t'ai pas vu grandir. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Je t'ai nettoyé. T'as fait des conneries, j'ai aboyé. Aujourd'hui j'entends les gens te vouvoyer. T'appeler monsieur Fall, t'as fondé ton propre foyer. Comme moi, t'as choisi la musique. Je savais que t'avais du talent, je le sentais. T'as bossé du matin au soir comme à l'usine. Avec tes amis, vous avez conquis la France entière. Tu n'étais qu'un môme, j'ai tourné la tête un moment. Et tu es devenu un homme, c'est un honneur. Je savais que le temps me ferait souffrir. Effectivement, je ne t'ai pas vu grandir. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Trop vite.